Chapitre 5e, le serment. Au milieu des incertitudes, des doutes et des soupçons qui agitaient tous les esprits au château, deux convictions s'étaient peu à peu dégagées des ténèbres dont était entourée toute cette affaire et prenaient d'instant en instant plus de consistance. D'abord et avant tout, Richard Ravensburg était certainement le coupable. Ensuite, la conduite si étrange et si extraordinaire de Lady Adelaide Errol, la veille au soir, devait avoir eu pour cause le terrible événement dont elle avait été sans doute témoin involontaire. Le premier soin de Lord Dane dans la matinée fut de faire comparaître sa nièce devant lui. « Vous avez assisté à la lutte, n'est-ce pas? Et c'est là la cause de votre terreur hier soir ?» lui dit-il à brûle-pourpoint. Lady Adelaide protesta en pleurant. Elle semblait être en proie à une épouvante aussi grande que la veille. Tout son corps tremblait et son visage avait une pâleur de spectre. Elle persista cependant à nier de la manière la plus absolue. Lord Dane n'en conserva pas moins tous ses soupçons. Vers 10 heures, Ravensburg fut amené au château. Lord Dane, assis dans son fauteuil d'apparat, dans la grande salle, avait auprès de lui M. Apperley. L'avocat, quoiqu'il ne fût pas en ce moment dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, car ce n'était pas là une enquête officielle, mais simplement ce que Lord Dane appelait un examen intime, avait posé sur la table devant lui une plume et de l'encre, avec l'intention de prendre note, pour sa satisfaction personnelle, de tous les détails dont l'importance le frapperait. Le chevalier Lester était aussi présent et se tenait auprès de Lord Dane, non pas comme magistrat, mais comme ami. L'inspecteur Cotton n'avait pas cru pouvoir se dispenser d'assister à la séance, et était arrivé un des premiers. On n'avait plus aucun doute sur le sort du malheureux Harry. La marée du matin avait rejeté son chapeau sur la plage et un bateau-pêcheur avait repêché en mer la vareuse de Michel. On commence à croire que la chute n'était pas le résultat d'un accident ou d'un coup porté dans l'ardeur de la lutte, mais d'un crime commis avec préméditation. Jamais la culpabilité d'un prisonnier ne parut plus évidente que celle de Ravensburg. Non seulement Lord Dane et ses amis, mais encore les hommes de la police n'en faisaient aucun doute. L'officier, M. Bent, avait soumis les domestiques du château à une véritable enquête, et son opinion était concluante. L'entrée de Ravensburg, les mains libres, on l'avait débarrassé des menottes, mais il était gardé à vue comme un prisonnier, par l'officier de police lui-même, excita une grande sensation. « Ah, c'est vous, malheureux, misérable !» s'écria Lord Dane, en laissant éclater son indignation et oubliant, dans sa douleur de père, la dignité de sa position de magistrat. Ainsi, pour satisfaire votre vengeance, il vous a fallu assassiner mon pauvre enfant. Je ne l'ai pas assassiné, my lord, répondit respectueusement Ravensburg. Il ne s'agit pas ici de jouer sur les mots. C'est parfaitement inutile, interrompit l'avocat à parler, avant que Lord Dane eût pu parler, si vous ne l'avez pas tué de propos délibérés avec un couteau, un gourdin, un pistolet ou toute arme de ce genre. Vous l'avez attaqué et précipité du haut des falaises. Si ce n'est pas là un assassinat, qu'est-ce donc, je vous prie, et de quel nom appellerez-vous cet acte ? Je n'ai pas été un seul instant sur les falaises la nuit dernière, et je n'ai pas vu le capitaine Dane depuis le moment où le matin il m'a chassé du château, dit Ravensburg d'une voix calme. Qui m'accuse ? Oh, je vous en avertis, mon brave homme, toutes ces équivoques absurdes ne vous serviront de rien. Vous dépensez mal à propos de vos paroles, et vous faites perdre le temps de Milord, voilà tout, s'écria impétueusement M. Apperley, qui était d'un tempérament irritable et porté à se mettre facilement en colère. « Vous avez déjà suffisamment causé de douleur à sa seigneurie, sans chercher encore à prolonger cette scène pénible. »« Je vous ai demandé, monsieur Apperley, qui était mon accusateur. J'ai le droit d'exiger une réponse. » Dit d'un ton brusque, le prisonnier en s'apercevant que sa culpabilité était d'ores et déjà tenue pour prouver par tous les assistants. « Les faits et vos propres actions vous accusent, et Michel, le garde-côte, a été témoin de votre crime. » « Où est Michel ?» interrompit fiévreusement Lord Dane. « Pourquoi n'est-il pas encore ici ?» L'inspecteur Cotton, qui ne s'expliquait pas le retard que son subordonné mettait à exécuter ses ordres, s'empressa de sortir de la grande salle pour s'assurer par lui-même des causes de cette absence. « Est-ce que Michel dit m'avoir vu, my lord, aux prises avec le capitaine Dane » « Dit-il m'avoir vu ?» répéta Ravensburg. « Certainement, il le dit. » interrompit l'avocat, avant que Lord Dane eût pu répondre. « Espériez-vous donc qu'il se tairait ?»« Alors il fait un mensonge indigne et inutile, monsieur a parlé, et sans aucun doute dans l'intention de détourner les soupçons du véritable coupable. » Lord Dane prit la parole. « Ravensburg, comme vient de vous le faire observer, monsieur a parlé, Ce système de défense ne peut que tourner contre vous, quand bien même le crime n'aurait pas eu de témoin. Il ne saurait y avoir le moindre doute sur son auteur. Quel autre que vous, en effet, avait un grief contre mon fils? J'ignore la nature de votre discussion et de votre querelle avec lui hier matin, mais il n'en est pas moins certain que vous devez l'avoir offensé gravement et que vous avez quitté le château en proférant des menaces contre lui. « My lord, cela est vrai, je l'avoue, » répondit Ravensburn d'un ton calme et respectueux. « Je donnais au capitaine Dane certains renseignements, croyant en cela lui rendre service, mais il prit la chose tout de travers. Ma communication concernait ses affaires privées. Elle n'avait rien d'agréable à entendre, je le reconnais, et elle excita sa colère contre moi. Froissé d'un traitement immérité, my lord, car il était immérité, je méritais à mon tour, et j'avoue avoir répondu à mon maître comme je n'aurais pas dû lui répondre. Il devint encore plus furieux et m'adressa des paroles dures et cruelles. Nous étions tous les deux excités, hors de nous. Lui surtout ne se possédait plus, et il m'ordonna de quitter le château à l'instant. Il fit plus, il me chassa coup de pied. Je vous le demande, my lord, m'était-il possible de subir avec calme un pareil traitement et sans rien répondre? J'avais été pour mon maître un bon serviteur. Je l'avais servi depuis des années avec fidélité. Il m'honorait de sa confiance. Il me traitait presque en ami. Je ne ressentis que plus cruellement l'injure. Quand je sortis du château, j'étais presque fou de rage. Pendant plus de 2 heures, je fus incapable de reprendre mon sang-froid. Je me laissais aller à prononcer de violentes paroles. « On vous a entendu dire que vous vous vengeriez ?» interrompit Lord Dane. « 10 fois au moins, je l'ai dit, my lord, et plus d'une personne n'a pu m'entendre. Mais ma colère se calma peu à peu. Quelques heures après, il n'en était plus question. La vérité est que je n'eus jamais au fond de mon cœur la pensée de me venger de mon maître. Je l'aimais trop pour cela. Vous me reprochez des menaces de vengeance. Oui, c'est vrai, je les ai prononcées. Je n'avais pas la tête à moi dans ce moment-là. La rage m'aveuglait. Mais la journée n'était pas encore écoulée que je commençais déjà à réfléchir et excuser mon maître. Vous oubliez que votre lutte avec lui a eu pour témoin le douanier Michel, dit Lord Dane, qui avait écouté Ravensburn sans donner aucun signe d'impatience. C'est impossible, my lord, car il n'y a pas eu de lutte entre nous deux. Quel peut être le mobile de Michel en m'accusant? Je ne saurais le dire. Il faut ou que ses yeux l'aient trompé, ou qu'il veuille sauver le véritable coupable à mes dépens. Mais je ne crains rien, la vérité finit toujours par se faire jour. Le jour, en effet, s'est levé ce matin, interrompit ironiquement M. Apperley. Mais nous perdons notre temps. My lord, ne pouvons-nous pas commencer à entendre les témoins en attendant l'arrivée de Michel? L'officier de police Bent voudrait poser quelques questions à Lady Adelaide Errol. Il a des raisons de croire qu'elle a été témoin de la lutte. Elle le nie, répliqua Lord Dane. Comment? Lady Adelaide? Comment serait-ce possible? S'écria M. Lester, levant les yeux, surpris. Voilà l'explication d'Adelaide elle-même, dit Lord Dane. Tentée par la beauté de la nuit, elle eut l'imprudence d'aller se promener sur les hauteurs. Prise tout à coup de peur en arrivant près des ruines, elle revint au château en criant, évidemment très effrayée. Je pensais qu'elle avait dû être témoin de la scène, mais elle le nie et soutient avoir eu peur des fantômes dans les ruines. « Pardonnez-moi, my lord, si je me permets d'exprimer mon opinion, » dit Bent. « Sa seigneurie est une jeune fille timide, et elle hésite sans doute à reconnaître qu'elle a assisté à un aussi terrible drame. Après avoir interrogé vos domestiques, et principalement la femme de chambre française, ma conviction est faite à cet égard et je suis absolument sûr que Lady Adelaide a vu tout ou partie de la lutte. Si vous voulez bien ordonner qu'elle paraisse devant vous, je lui adresserai 1 ou 2 questions. « Faites-la entrer, si vous voulez, » dit Lord Dane, adoptant la manière de voir de l'agent, et pensant que si en effet Adelaide savait quelque chose, il faudra bien qu'elle parlât. Ce fut M. Lester qui se chargea d'aller la chercher. Lady Adelaide n'osa pas se soustraire à la sommation. Elle entra dans le hall, donna le bras à M. Lester, s'avança vers la table placée devant Lord Dane, et appuyant ses 2 mains, resta debout, sans accepter la chaise que M. Lester s'empressait de lui offrir, comme si elle eût eu la ferme intention de ne demeurer qu'un instant. « Vous avez assisté, madame, à la lutte qui a eu lieu la nuit dernière sur les falaises, » commença le clairvoyant officier de justice, d'un ton de grande douceur, mais de conviction absolue. « Voulez-vous être assez bonne pour me dire ce que vous avez vu au juste ?» Cet air de parfaite assurance la trompa. Elle s'imagina que la vérité connue et qu'il serait inutile de nier plus longtemps. Jetant tout autour de la grande salle des regards de terreur comme un cerf aux abois, elle vit tout à coup fixer sur elle les yeux pénétrants de Sophie. Pourquoi Sophie était-elle venue? Un cri, à demi étouffé, s'échappa des lèvres de Lady Adelaide. « Aviez-vous quelque motif pour vous rendre aux falaises la nuit dernière ? continua l'officier de justice sans aucune arrière-pensée, et convaincu que le fait était purement accidentel. « Vous ne pouviez pas prévoir, je présume, qu'aucune querelle doit avoir lieu en cet endroit. »« Oh non, non » répondit-elle avec véhémence et en fondant en larmes. « La lutte vous a surprise alors. Ça a été pour vous comme un coup de foudre. C'est bien ce que nous pensions. Voulez-vous nous raconter ce que vous avez vu ?» Adélaïde jeta de nouveau les yeux autour d'elle avec une indicible angoisse. Il était impossible de se méprendre sur l'expression de sa physionomie. Elle cherchait à exciter la pitié. Elle cherchait à échapper. Elle implorait tour à tour du regard Lord Dane et M. Lester. Tout à coup, en se retournant, elle aperçut de nouveau sa femme de chambre, les yeux rivés sur elle. « Pourquoi Sophie reste-t-elle ici ? » s'écria-t-elle en s'adressant à Lord Dane. M. Bent crut qu'elle se moquait de lui. « Il serait préférable pour tous, ma lady, de déclarer de suite ce que vous avez vu et ce que vous savez. Sinon, vous pourriez être sommé de faire votre déposition dans une autre enceinte, et devant un public plus nombreux. » « Allons, parlez, Adélaïde !» dit Lord Dane sévèrement. Lord Dane commença à croire qu'elle en savait plus long que ne disaient ses aveux et était irrité de ses dénégations antérieures. « Si vous ne voulez pas parler de bonne volonté, je serai forcé de vous faire subir un interrogatoire, sous serment. » continua Lord Dane. « Vous m'avez dit hier qu'étant sorti du château pour faire une promenade, vous étiez entré dans les ruines. Qu'à peine entré, vous aviez pensé au revenant et que la peur vous avait saisi tout à coup. « Oh non, non, mon oncle, pas le serment !» cria-t-elle, ce seul mot semblant l'effrayer plus que tout le reste. « Je vais dire à l'instant la vérité, oui, toute la vérité, » ajouta-t-elle en baissant les yeux devant le regard perçant de M. Bent. « Voilà ce qui s'est passé. En traversant les ruines, je pensais au fantôme, au revenant, et j'eus peur. Alors je rebroussais chemin pour entrer au château. Je n'étais pas encore sorti des ruines quand j'entendis au dehors un bruit de voix vers l'extrémité des falaises. Je poussai un soupir de soulagement à la pensée que je n'étais plus seul. Je marchai avec précaution jusqu'à une des entrées de la chapelle et j'avançai la tête pour regarder qui était là. Je vis deux hommes se tenant à bras-le-corps, se battant tout à fait au bord des rochers. Une seconde après, l'un des deux disparut brusquement. Il était tombé du haut de la falaise. Je fus terrifié à en mourir. Je ne me souviens plus de rien. Je me mis à courir, je crois, vers le château, en retraversant les ruines et la pelouse tout droit devant moi. On m'a dit que je poussais des cris perçants. C'est possible, mais je ne pense pas en avoir eu conscience dans le moment. Bref, sortit et me rencontra, et c'est là tout ce que je sais. Pourquoi ne pas m'avoir avoué la vérité tout de suite ? S'écria Lord Dane, les sourcils froncés. J'étais trop effrayée, presque morte de peur. De plus, je pensais que ma tante serait assez irritée contre moi à cause de ma sortie nocturne, sans encore confesser ce que j'avais vu. Si vous aviez tout dit en rentrant au château, la vie de Harry aurait pu être sauvée. Murmura Lord Dane, l'aviez-vous reconnu ? Oh non, mon oncle, fit-elle en pleurant, comment pouvez-vous me le demander ? Avez-vous reconnu l'autre personne ? Demanda l'officier de justice. Je n'ai reconnu ni l'une ni l'autre. Non, pas du tout. Vous ne pourriez pas donner la plus légère indication ? Vous avez dû voir l'un de ces deux hommes, cependant, il vous a été possible de distinguer au moins s'il était grand ou petit. Jamais Lady Adélaïde n'avait trahi une terreur plus grande qu'en ce moment. Les lèvres blanches, les mains tremblantes, elle essayait deux fois de parler sans avoir la force d'articuler un mot. « Je ne pourrais donner le signalement d'aucun d'eux, » bégaya-t-elle enfin. « Je ne sais s'ils étaient grands ou petits. Tout s'est passé si rapidement. » « Une idée, si faible qu'elle soit, ne vous est pas venue à l'esprit de ce que l'un ou l'autre de ces deux hommes pouvait être ?» demanda de nouveau en insistant l'officier de justice. « Non. » J'ai peut-être cru à ce moment que c'était là une lutte entre deux voleurs. Et leur voix, milady, vous ne les avez reconnues ni l'une ni l'autre ? Je n'ai entendu leur voix que tout à fait au commencement, quand j'étais encore dans l'intérieur des ruines, répondit-elle en frissonnant. Pendant la lutte, ils n'ont pas prononcé une parole, ou s'ils ont parlé, je ne les ai pas entendus. Alors vous n'avez positivement reconnu ni le capitaine Dane ni son adversaire ? Pourquoi ne me croyez-vous pas ? S'écria-t-elle d'un ton de reproche irrité et de douleur poignante. Le capitaine Dane n'était-il pas mon cousin ? Si je l'avais reconnu, si j'avais reconnu son adversaire, pourquoi ne l'avouerais-je pas ? Laissez-moi partir, ajouta-t-elle d'un air suppliant en se tournant vers Lord Dane. Quand je resterai ici toute ma vie, je ne pourrai pas vous donner plus de renseignements. Un instant encore, my lady, si vous voulez bien. Est-ce que l'autre, celui qui est resté maître du terrain, chercha à vous suivre quand vous avez pris la fuite ? « Non, pas que je sache. Je n'ai pas regardé derrière moi. »« Je veux croire et j'espère que vous ne nous avez rien caché. que vous avez dit tout ce que vous savez. » Ce fut là le seul commentaire que se permit l'agent de police en voyant Lady Adélaïde se diriger vers la porte, sans attendre qu'on lui donnât la permission de se retirer. M. Lester s'empressa de lui offrir le bras et l'accompagna hors de la grande salle. Sophie Collot les suivit tous deux à pas lents. « Ah, comme ils sont sans pitié !» s'écria Adélaïde en fondant larmes. « N'aurais-je pas été trop heureuse de les renseigner si j'avais su quelque chose ? Comment avez-vous permis à cet homme de me persécuter ainsi de ces questions ? En présence de Lord Ayne, et dans une circonstance comme celle-ci, je ne suis et ne puis rien, » murmura le chevalier Lester, du ton de la plus vive et de la plus tendre sympathie. « Je vous plains plus que je ne saurais dire. » Mais Adélaïde ne sortait plus ainsi le soir toute seule. « Jamais, jamais, c'est une leçon pour toute ma vie, mais je ne pensais pas mal faire. » « Mal faire, non, » lui dit tout bas M. Lester en lui baisant la main. Ils se trouvèrent ce moment devant la porte du salon. Sophie Collot, arrêtée à quelque distance en arrière, ne quitta pas sa maîtresse des yeux jusqu'à ce qu'elle fût entrée dans la chambre. « Que faites-vous là, Sophie ?» lui demanda M. Lester comme il passait devant elle en retournant à la grande salle. « C'est mon affaire, » répondit-elle sans prendre la peine de déguiser sa pensée, « et non la vôtre. » Lord Ayne devenait de plus en plus impatient d'interroger le douanier, dont l'arrivée semblait devoir subir un long retard. De tous les assistants, le plus impassible, le plus indifférent, était sans contredit Richard Ravensbird. Sa contenance froide et tranquille, au milieu de l'agitation et de l'inquiétude générale, son air indépendant irritait au dernier point Lord Ayne, qui, tout comme Danechild, était convaincu de sa culpabilité. Michel arriva enfin, conduit et soutenu par M. Cotton. Il fit son entrée dans la salle au milieu d'un mouvement marqué d'attention. Il paraissait pâle et malade, et Lord Ayne lui dit de s'asseoir pour faire sa déposition. Il raconta comment il avait entendu les voix d'hommes se disputant, comment il avait vu les combattants sur les bords des falaises et l'un d'eux, le capitaine Dane, tomber sur la plage. « Poussé par Ravensbird ?» s'écria vivement l'avocat éperlé. « Oui. Mon fils ne donnait-il plus aucun signe de vie ?»« Aucun, my lord. Il était mort, absolument mort. » Il n'y avait pas à s'y tromper. J'aurais voulu pouvoir l'emporter dans mes bras, my lord, au lieu de le laisser là, exposé à la marée. Mais ça a été au-dessus de mes forces. Si je n'avais pas été pris de mon accès, on aurait pu arriver à temps pour sauver son corps. Ce n'est pas votre faute, Michel. Aviez-vous reconnu mon fils sur la falaise avant la chute ? Non, my lord, répondit Michel en secouant la tête. La lune était brillante, c'est vrai. Mais au clair de lune, ce n'est pas comme en plein jour, vous savez. Et je ne pouvais pas voir distinctement au-dessus de moi, à cause de l'endroit où je me trouvais. La lutte m'a semblé ne durer qu'un instant, il est tombé tout de suite. C'est seulement quand j'étais près de lui, essayant de le soulever, que j'ai reconnu le capitaine Dane. Ravensbird, à ce moment, interrompit le douanier, que depuis son entrée dans la salle, il n'avait pas quitté du regard. Ses yeux noirs et profonds semblaient dévorer chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles. « My lord, » dit-il en se tournant tout à coup vers Lord Dane, si je me trouvais en présence d'une cour de justice régulièrement constituée et procédant à un interrogatoire officiel, il me serait permis de me faire assister d'un avocat. On ne le refuse pas aux plus coupables même des criminels. Ici, je n'ai personne pour me défendre. Je suis seul contre tous. Je désirais adresser une question à cet homme, my lord. Faites. Vous venez de dire, Michel, que vous n'aviez pu reconnaître le capitaine Dane sur la falaise parce que vous étiez trop loin. Et mal placé pour distinguer clairement les objets. Si vous n'avez pas reconnu le capitaine, comment est-il possible que vous m'ayez reconnu, moi ? Je ne vous ai pas reconnu. Il y eut un moment de silence. Richard Ravensbird reprit enfin d'une voix vibrante, passionnée. Alors, pourquoi l'avez-vous affirmé ? Je ne l'ai pas affirmé. Vous l'avez dit, on me l'a assuré. Non, je n'ai rien dit de semblable. Ma vue ne portait pas aussi loin, c'est... L'officier de police l'interrompit à son tour. « Prétendez-vous nier, Michel, maintenant que vous êtes en présence de My Lord, que le capitaine Dane a été précipité des falaises par Ravensbird ?»« Je ne pourrais pas dire, monsieur, que c'était par lui ou non. C'est peut-être lui, aussi bien que n'importe qui. Je n'ai pas reconnu la personne. » L'officier leva des yeux étonnés sur Lord Dane. « Si j'ai bien compris votre seigneurie hier soir, elle m'a dit que Michel avait reconnu Ravensbird comme l'assaillant. Je l'avais compris moi-même ainsi. Vous me l'aviez dit à parler, vous aussi, monsieur Wilde. » « Que signifie cette contradiction, Michel ?» s'écria M. Apparly d'un ton bref et sévère. « Ne vous rappelez-vous pas qu'hier soir, à la station de la douane, vous nous avez affirmé positivement que c'était Ravensbird ? J'ai dit que ce devait être sûrement Ravensburg, à cause de sa querelle avec son maître le matin. Tout le monde l'a dit comme moi, mais je n'ai jamais affirmé que la chose fût à ma connaissance, d'après ce que j'avais vu de mes yeux. Alors devons-nous comprendre, Michel, que vous ne savez rien de positif, que vous ignorez qui était l'assaillant de mon fils, que vous ne l'avez pas reconnu? Je n'ai pu le reconnaître, my lord. J'avais soupçonné M. Ravensburg naturellement, à cause de la querelle dont j'avais entendu parler dans la journée, mais il m'a été impossible de voir les personnes qui se battaient sur les hauteurs, c'est-à-dire de les reconnaître. Je n'aurais pas même reconnu l'un d'eux pour le capitaine Dane s'il n'était pas tombé sur la plage, près de l'endroit où je me trouvais. Toute l'assistance était complètement déroutée. Chacun, y compris l'officier de justice, si pénétrant et d'ordinaire si circonspect, ne doutait nullement que Michel ne fût prêt à affirmer sous serment, d'après le témoignage de ses propres yeux, la culpabilité de Ravensburg. « Cela ne fait pas l'ombre d'une différence, » s'écria M. Apparley, emporté par son zèle pour les intérêts de Lord Dane et par la force de sa conviction. Richard Ravensburg a proféré, plusieurs personnes l'ont entendu, des menaces contre son maître. « Je vous demande mille pardons, Monsieur Apparley. Cela fait une différence du tout au tout. » Interrompit vivement Ravensburg. « Qu'un témoin digne de foi dise qu'il m'a vu commettre le meurtre ou qu'il ne m'a pas vu, ça fait deux, car c'est tout le contraire. » « Peut-être pourrez-vous nous expliquer l'emploi de votre temps hier, Ravensburg, heure par heure, jusqu'à 10 heures du soir ?» s'écria l'avocat. « Peut-être le pourrais-je en effet, si cela est nécessaire. Après avoir été chassé du château, j'allais droit au rendez-vous des marins, et le patron de l'hôtel en témoignera. Mais vous n'y êtes probablement pas resté. J'y suis resté. 20 personnes qui m'ont vu dans le courant de la journée vous le certifieront. Je n'en ai pas bougé. J'y ai dîné, j'ai pris le thé avec Hawthorne et sa femme. » « Qu'avez-vous fait après avoir pris le thé ?» Je suis resté avec eux un peu de temps, puis je suis sorti faire un tour de promenade. Je le pensais bien, s'écria l'impétueux M. Apparley. Et où vous êtes-vous promené? Quel chemin avez-vous suivi? Ravensburg hésita un moment. Cette hésitation était une preuve de plus contre lui. Je ne vois pas que ça regarde personne. La route que j'ai suivie, ça n'a pas d'importance. Cela en a une très grande, au contraire. Peut-être est-ce le chemin même des falaises. Ah, Dieu me pardonne, ajouta l'avocat, qui se leva en sursaut, un souvenir lui traversant tout à coup l'esprit. « Mais je vous ai rencontré, Ravensburg. Je revenais de chez un client, et je vous ai vu aller précisément dans cette direction. Vous vous dirigez vers le château. Il était à peu près 7 heures. Je ne vous ai pas vu. Peut-être, mais moi je vous ai vu, et c'est tout ce qu'il faut. Où alliez-vous? C'est mon affaire. Je n'allais pas faire de mal, et je n'en fis pas. Je ne suis pas resté longtemps dehors du reste. Je suis rentré presque aussitôt au rendez-vous des marins. « À quelle heure étiez-vous de retour à l'hôtel ?» demanda vivement l'avocat. « Michel, » répliqua avec autant de vivacité Ravensburg, « quelle heure était-il quand vous avez vu la lutte et la chute ?»« Entre 8h30 et 9h moins le quart. »« Plus près de 9h moins le quart. »« Oui, certainement, au moins 9h moins 20. » Ravensburg se retourna vers l'avocat de l'air d'un homme qui vient de vaincre son adversaire. « Alors la question est résolue. Au moins en ce qui me concerne, my lord, » dit-il. « J'étais de retour dans la salle basse du rendez-vous des marins. » À 8h20. Je me souviens avoir entendu sonner le quart à l'horloge de l'église quelques minutes avant de rentrer à l'hôtel et d'avoir tiré ma montre pour m'assurer si j'allais bien. Je n'ai plus bougé de toute la soirée. Lord Dane était confondu de l'assurance et du ton dégagé de Ravensburg. Il ne croyait pas un traître mot de ses explications. Michel, dit-il, êtes-vous sûr de l'heure que vous indiquez? Mais au moment même où il adressait cette question, Lord Dane se souvint que son fils était resté la veille dans la salle à manger près de lui, jusqu'à 8h30 ou à peu près. « J'en suis absolument sûr, my lord, » répondit Michel. « Nous autres douaniers, nous nous trompons rarement sur l'heure qu'il est. Nous n'avons rien de mieux à faire en marchant devant nous que d'écouter la sonnerie des quarts et des heures à l'horloge de la ville. De plus, il est la marée qui nous guide, et c'est un véritable amusement de voir le flot et le temps aller toujours du même train. Il devait être à peu près à 9h22 quand a eu lieu la chute du capitaine Drane. C'est bien là l'heure exacte. Les trois quarts ont sonné aussitôt après que je l'eus quitté, quand je me suis mis à courir sur la plage. Je présume que vous seriez prêt à prêter serment, Michel, si on l'exigeait? S'écria d'un ton aigre l'avocat et parlait. Certainement, monsieur, car c'est là la vérité. La réponse ne calma pas Monsieur Apparley. Absolument convaincu que le douanier était la dupe de quelque erreur, il se préoccupait fort peu de son opinion. Peut-être, insinua-t-il, seriez-vous assez bon, Ravensburg, pour vouloir bien confier à Lord Dane ce que vous avez fait pendant votre absence du rendez-vous des marins et où vous avez passé votre temps. D'après votre aveu même, cette absence a duré bien près d'1h30. je ferai respectueusement observer à Mylord que le but de ma promenade et la route que j'ai suivie n'ont aucune importance dans cette enquête. Michel déclare que le meurtre doit avoir été commis un instant, s'il vous plaît. Voici la seconde fois que vous dites le meurtre. Eh bien, s'écria Ravensburn. Eh bien, s'écria Ravensburn, n'est-ce pas l'expression dont vous vous êtes tous servis? Pas avec autant d'assurance que vous. Continuez. Michel dit qu'il a dû avoir lieu à 9h-22. J'étais de retour à l'auberge à 8h20. Or, quand bien même, en quittant les falaises, c'est une supposition, car je n'y ai pas été de toute la soirée, quand bien même, dis-je, je fusse retourné directement à l'hôtel en quittant les falaises, il faudrait que j'en fusse parti à 8h ou à peu près, pour être rentré à l'heure dont je parle. En effet, j'étais à l'hôtel à 8h20, et je n'en suis pas ressorti. Si c'est prouvé, et vous trouverez une douzaine de témoins qui vous certifieront la vérité du fait, en vous adressant au rendez-vous des marins, je prétends, monsieur Apperly, que vous n'avez aucun droit de vous mêler de mes affaires particulières. Dès qu'il est établi que je n'étais pas, qu'il est impossible que j'étais l'assaillant du capitaine Dane, je suis aussi libre et aussi indépendant que vous-même. Tenez, à 8h30, j'étais en train de jouer au domino avec un des habitués de l'auberge. J'ai joué avec lui jusqu'à 10h. La marche, la plus simple à suivre en l'état actuel de l'enquête, était d'envoyer au rendez-vous des marins pour y acquérir la preuve de la vérité ou de la fausseté des explications données par le prisonnier. L'officier de justice s'y rendit lui-même, et Lord Dane attendit son retour avec une impatience mal dissimulée. Comme toujours, le seul homme qui, dans la salle, fut parfaitement tranquille et à son aise, c'était sans contredit Richard Ravensburn. Monsieur Bent revint. Il revint, la mine piteuse, l'air abattu. Il se reconnut lui-même vaincu, vaincu quant à présent du moins. Hawthorne et sa femme, ainsi que deux ou trois autres témoins dignes de foi, déclaraient que Ravensburn était rentré au rendez-vous des marins à 8h20. Il pouvait d'autant mieux certifier le fait que Ravensburn avait remarqué tout haut en entrant que la pendule de la salle basse allait exactement comme l'horloge de l'église. Il était en outre très vrai qu'il n'avait pu quitter l'auberge de toute la soirée et avait joué au domino presque jusqu'au moment de se mettre au lit. En présence de pareils témoignages, il ne pouvait plus être question de maintenir Ravensburn en état d'arrestation. Et force fut alors Dane d'ordonner, quoiqu'à regret, sa mise en liberté. À regret, car au fond de son cœur, il était encore convaincu de sa culpabilité. « Vous êtes libre de vous retirer, Richard Ravensburn. »« My lord, » dit l'ex-prisonnier, en s'avançant de quelques pas pour se rapprocher de Lord Dane, « je vois bien que même maintenant, malgré tous ces témoignages, vous me croyez encore l'agresseur de votre fils. Permettez-moi de vous affirmer une fois de plus la vérité. Je ne me suis pas trouvé un seul instant en présence du capitaine Dane depuis ma sortie de ce château le matin. « Je crois que c'est vous le coupable, vous et personne d'autre, » répondit Lord Dane d'un ton dur et sévère. « Vous triomphez aujourd'hui, c'est bien. Je ne vous dirai qu'un mot, Richard Ravensburn. N'oubliez pas que les crimes de cette nature se découvrent toujours, tôt ou tard. » Pour toute réponse, Ravensburn se contenta de saluer respectueusement. Pendant tout le cours de l'enquête, son attitude vis-à-vis de Lord Dane avait été celle d'un homme plein de déférence et de respect, mais inaccessible à la crainte et ayant conscience de son innocence. Il sortit de la grande salle sans ajouter un mot. Bref l'attendait sous la porte cochère du château. Ravensburn passa brusquement devant lui, sans lui adresser la parole, et se dirigea à grands pas vers Danechild. M. Cotton et Michel furent moins insociables, et quand à leur sortie de la salle, ils rencontrèrent le vieux sommelier. Ils ne firent aucune difficulté d'accepter un verre d'ale, dont le pauvre et faible douanier avait du reste grand besoin comme réconfortant. Lord Dane, le chevalier Lester, M. Apperly et l'officier de justice restèrent seuls dans le hall. Les deux premiers s'entretenaient à voix basse. M. Apperly semblait se livrer à une douce rêverie, et l'officier prenait des notes sur un vieux carnet qui ne le quittait jamais. Il avait l'air profondément pensif. « Vous paraissez tout décontenancé, Bent, » observa l'avocat en se réveillant. « C'est que je le suis en effet, monsieur Apperly. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que vous le croyez encore coupable ? Je suis sûr de sa culpabilité comme de mon existence. « Vraiment ? » dit monsieur Apperly, dont l'opinion s'était quelque peu modifiée après la preuve décisive de l'alibi. « Moi, je n'en suis plus certain maintenant. On ne peut cependant pas fermer ses yeux à l'évidence. » Si l'homme était réellement de retour au rendez-vous des marins à l'heure qu'il indique, oui. Mais il n'y était pas, vous pouvez m'en croire, interrompit M. Bent, ou bien Michel se trompe quant à l'heure. Il n'existe pas au monde de choses plus trompeuses que que les témoignages sur un fait dont la preuve dépend de l'heure à laquelle il a été accompli. Suivez-moi bien. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, ce dont j'ai fait mention en revenant de l'auberge, que M. Hawthorne se rappelait l'observation de Ravensbourne au moment même de son retour, relativement à l'heure, 8h20. Eh bien, cette circonstance seule suffirait à tout esprit expérimenté pour prouver sa culpabilité. Il n'a pas appelé leur attention sur l'heure sans motif, soyez-en convaincus. Nous connaissons ces stratagèmes-là. Il avait probablement trouvé moyen de donner un coup de pouce à la pendule et de reculer les aiguilles. Mais ce n'est pas cela qui m'étonne et me déconcerte. Ravensbourne n'est ni plus ni moins habile que les gars de son espèce et nous finirons bien par le pincer un jour ou l'autre. Quant à ce qui est de l'alibi, j'ai été témoin dans ma vie de serments si étrangement contradictoires sur le temps et les heures que je ne m'étonne plus de rien. Des deux côtés on est, cela va sans dire, parfaitement honnête et convaincu de ne rien dire que la vérité. Et cependant, on fait erreur. Ah, j'en ai tant vu. Les uns disent que leur pendule et leur montre en retardaient, les autres que le soleil a marché trop vite. Alors, les voitures, qui d'habitude ne bougeaient jamais de leur remise avant une certaine heure, se trouvaient précisément dehors ce jour-là au moment critique, et ainsi de suite. Je sais ce que valent les alibis. Allez. Alors, qu'est-ce qui vous embarrasse et vous étonne? Demanda M. Apparly. Ils avaient tous deux parlé très bas. Cependant, l'officier baissa encore plus la voix en répondant « La jeune lady, elle me déroute complètement. Qu'elle en sache plus long qu'elle n'en dit, cela ne fait pas de doute pour moi, et je m'en préoccupe peu. Les témoins ne nous disent souvent que la moitié de ce qu'ils devraient dire, et Dieu sait combien leur conscience en est peu affectée. Vous ne croyez pas, lady Adélaïde? Je ne dirai pas qu'elle mente du premier mot au dernier, mais suivez-moi bien, » ajouta l'officier, se serrant de nouveau de son expression favorite, selon son habitude quand il avait l'esprit surexcité. Je comprends parfaitement sa frayeur au moment de l'accident. Toute jeune fille, assistant à une scène comme celle-là, serait presque morte de peur. Mais qu'est-ce qui l'effraie maintenant? M. Apparly sembla frappé de la justesse de la question. C'est vrai, dit-il, il n'y a pas à le nier. Elle semblait avoir une horrible peur quand vous l'interrogiez. Oui. Rapportez-vous-en à moi, monsieur. S'il y a au monde quelqu'un capable de prouver la culpabilité de Ravensbourne, sans compter Ravensbourne lui-même, cela va sans dire, c'est Lady Adélaïde. Elle... L'officier de police s'arrêta tout à coup sur un regard de M. Apparly. Il se retourna et vit Lord Dane qui, la tête penchée vers lui et l'oreille tendue, l'écoutait avec une profonde attention. L'officier s'était laissé entraîner à parler plus haut qu'il n'aurait fallu. « Que disiez-vous là, Bent ?» M. Bent fut bien forcé de s'expliquer. Il n'avait pas de raison particulière, du reste, pour cacher ses soupçons à Lord Dane, et il lui avoua franchement sa conviction que Lady Adélaïde pourrait, si elle le voulait, prouver la culpabilité de Ravensbourne. Et son motif pour ne l'avoir pas fait, son motif ? Demanda vivement Lord Dane. « Ah, my lord, là s'arrête ma perspicacité, et c'est justement ce qui m'embarrasse. Sa femme de chambre française est la bonne amie de Ravensbourne. Peut-être est-ce à cause d'elle qu'elle le ménage. Elle paraissait effrayée de la présence de cette fille à l'enquête. Avez-vous remarqué de quel air elle a demandé pourquoi elle restait là ? » Lord Dane était un homme tout de premier mouvement. La supposition de l'officier de police corroborait avec trop de force ses propres soupçons sur la véracité d'Adélaïde pour qu'il ne l'adoptât pas à l'instant. Dès le principe, en effet, il avait eu le pressentiment que sa nièce lui cachait une partie de la vérité, et en voyant son maintien embarrassé pendant son interrogatoire, ses doutes n'avaient fait que grandir. Sans réfléchir davantage, il tint le fait pour certain, et son cœur se brisa de colère et de douleur. Elle, protéger l'assassin de son pauvre fils, de son fiancé. Je vous remercie de votre franchise, Bent, dit-il avec une fureur concentrée et les lèvres tremblantes. Oui, vous devez avoir raison. Il n'y a pas le moindre doute. Vous aviez raison aussi ce matin quand vous m'affirmiez qu'elle avait évidemment vu quelque chose, quoiqu'elle me l'eût nié avec persistance. Je me rappelle que la menace de lui faire prêter serment l'a étrangement effrayée. Nous allons voir ce qu'elle dira maintenant. Un message péremptoire fut envoyé à Lady Adélaïde, lui intimant de se présenter de nouveau dans la grande salle. La pauvre fille semblait, en y entrant, avoir fait provision de courage. Mais ses forces la trahirent presque aussitôt, et ce fut en tremblant qu'elle s'avança vers Lord Dane. M. Lester se levait pour lui offrir le bras, comme précédemment, quand Lord Dane l'arrêta. « Pour cette fois, Lady Adélaïde n'a affaire qu'à moi, M. Lester. » Elle jeta un rapide coup d'œil sur les assistants. Elle remarqua l'air intrigué de M. Apparly. la physionomie impassible de l'officier de police, l'expression de sympathie et de compassion de M. Lester, mais quand elle se trouve en face du visage sévère de Lord Dane, elle ne peut retenir un petit cri de frayeur. Lord Dane lui posa la main sur le poignet et dit lentement, en pesant chacune de ses paroles, « Adélaïde Erol, nous avons des raisons de croire que vos dénégations de tout à l'heure sont mensongères. Nous pensons que vous avez reconnu l'agresseur de mon fils. Qui était-ce ?»« Je ne sais pas, » dit-elle en devenant blanche comme un linge. « Vous le savez, nous en sommes convaincus. » « Je vous ai dit que je ne savais pas. Il faisait trop sombre pour que j'aie pu le reconnaître. » Elle tremblait tellement que c'est à peine si ses lèvres sèches et exsangues eurent la force de prononcer ces derniers mots. Lord Dane hésitait à lui adresser la question suprême. « Est-ce Ravensbird ?» Il attendait, sans la quitter un instant des yeux. « Je vous le demande une fois de plus, qui était l'adversaire de mon fils ?»« Je ne sais pas. En vérité, je ne sais pas. » « Alors, puisqu'il en est ainsi, puisque vous dites la vérité, vous ne ferez pas d'objection à l'affirmer sous serment. Monsieur Lester, voulez-vous lire la formule ?» Le pâle visage de Lady Adélaïde devint tout à coup rouge comme du feu. Ses yeux, pleins d'une horrible épouvante, ou plutôt d'un silencieux appel à la pitié, allaient de l'un à l'autre de ces hommes sans cœur qui l'entouraient. Monsieur Lester prit la Bible sur le prie-Dieu. Il aurait refusé son ministère, s'il avait cru par son refus sauver Adélaïde, mais il savait que toute tentative serait inutile et que la résolution de Lord Dane était inébranlable. Du reste, M. Lester considérait la cérémonie du serment comme ne tirant pas conséquence, car lui, au moins, était convaincu de la sincérité de Lady Adélaïde. « C'est une simple formalité, » lui dit-il tout bas, tendrement. « Ne tremblez pas ainsi. » Elle tourna la tête et regarda avec anxiété au fond de la salle, comme si elle eût voulu s'assurer s'il existait encore quelque moyen d'échapper. Près de la porte, elle aperçut dans l'ombre, immobile, Sophie, les yeux fixés sur elle. Impossible de fuir, impossible d'échapper. Adélaïde Erol étendit ses mains vacillantes sur la Bible, et d'une voix hésitante, à peine intelligible, la mort empreinte sur le visage, elle prononça le serment solennel devant Dieu, qu'elle n'avait reconnu ni le capitaine Dane, ni son adversaire. Et les doutes sur sa véracité, aussi bien de Lord Dane que des personnes présentes, en supposant qu'elles en eussent eu, s'évanouir devant ce serment, excepté toutefois ceux de M. l'officier de justice Bent.